Chapitre 21e, mardi 16 avril. La première nuit passée dans cette maison a été assez lugubre. Constamment ces mêmes bruits, le vent, la pluie, les lointaines prières. Vers 2 heures du matin, les vieilles portes de mes escaliers et de mes couloirs étaient tellement secouées, avec de tels bruits de ferraille, que je me suis cru envahi. Alors j'ai fait une ronde générale, ma lanterne à la main. Mais non, personne, rien que du vent, des rafales, et les verrous toujours en place. Et je ne me suis plus réveillé ensuite qu'en voyant filtrer le jour par les fentes de mes grandes portes de cèdre. Pieds nus, sur le tapis qui couvre mon pavé de faïence, je suis allé d'abord ouvrir une de mes petites chatières ogivales et j'ai regardé le ciel, par l'ouverture béante de mon toit. Obstinément, ce même ciel d'hiver, d'où continuait de tomber une pluie lente et fine, un vent froid comme dans les climats du nord, m'arrivait au visage. Et l'antiquité, la désolation, le délabrement de ma maison, m'apparaissaient plus extrêmes encore sous cette lueur à la fois terne et claire, impitoyable, qui descendait d'en haut avec la pluie. Par terre, les mosaïques de faïence, mouillées, lavées, avaient seules de fraîches couleurs. La matinée se passe à des essais de costumes habillés. Un certain Idriss, musulman d'Algérie, émigré au Maroc, que le docteur L m'a procuré comme guide, m'apporte à choisir des caftans de drap rose, aurore, capucine ou bleu nuit, puis des ceintures, des turbans, de grosses cordelières en soie pour tenir le poignard et pour attacher l'aumônière dans laquelle tout vrai croyant doit porter, suspendu au cou, un petit commentaire manuscrit des saints livres. Et enfin, de longs voiles de transparente laine blanche pour envelopper le tout et en atténuer les couleurs. Il m'indique ensuite la très difficile manière élégante de se draper dans ces voiles-là, qui font 2 ou 3 fois le tour du corps, prenant le bras, la tête, les reins, et à l'arrangement desquels la toilette entière est subordonnée. Toute fantaisie de déguisement mise de côté, il est certain que le costume arabe est indispensable à Fès pour circuler en liberté et voir d'à peu près les gens et les choses. 3 heures de l'après-midi. On frappe à ma porte. Je sais qui c'est, et je descends ouvrir dans des vêtements d'arabe, très simples, en laine blanche un peu défraîchie, comme on en voit à tous les passants dans les rues. Je trouve en bas 3 mules arrêtées, la tête dirigée du côté par où il faudra partir, à cause de l'impossibilité de tourner entre ces hautes murailles qui se touchent presque. L'une des 3 mules est tenue en main par un palefrenier, et bien que ce soit jour de purification et de retraite, je m'y installe sur une selle à fauteuil en drap rouge. Les 2 autres sont montés par des personnages enveloppés de longs burnous, dont l'un est Idriss et l'autre, en tout semblable aujourd'hui à un vrai bédouin, est le capitaine H. de V., l'un des membres de l'ambassade, qui ne se purifie pas aujourd'hui lui non plus. Du reste, mon compagnon habituel de promenade, que tout ce pays impressionne de la même manière que moi-même. Nous partons tout droit sans rien nous dire comme pour un but convenu. La pluie fine tombe toujours du ciel bas et brumeux. Longtemps nous marchons à la file sous cette pluie obstinée qui rend plus lugubre le labyrinthe des petites rues obscures. Le plus souvent nous avons de l'eau ou de la boue liquide jusqu'aux genoux de nos bêtes qui glissent sur des pierres, s'enfoncent dans des trous, manquent 20 fois de s'abattre. Souvent il faut se plier en 2, sous des voûtes si basses que l'on risque de s'y rompre la tête. À chaque instant il faut s'arrêter, se garer dans une porte ou reculer jusqu'à un tournant pour laisser passer d'autres mules chargées ou bien des chevaux, des ânons. Nous traversons des bazars couverts, où il fait perpétuellement une espèce de demi-crépuscule. Là, nous sommes frôlés par toutes sortes de gens et d'objets. Nous écrasons des passants contre des maisons et toujours nous raclons avec nos étriers les vieilles murailles. Enfin, nous sommes au but de notre course. Une grande cour de mauvais aspect, vieille, caduque, comme tout ce qui est Fès, et entourée de porches massifs qui la font ressembler à un préau de prison. C'est le marché aux esclaves que les chrétiens ne doivent pas voir. Il est vide aujourd'hui ce marché. Nous avions été mal renseignés. Sans doute il n'y a pas eu d'arrivage du Soudan, car on ne vendra personne, nous dit-on, d'ici 2-3 jours. À la suite d'Idriss, nous continuons donc notre route, toujours sans parler, dans l'enchevêtrement des rues, qui nous font l'effet de se rétrécir et de s'assombrir encore davantage. Et voici un grand murmure de voix qui nous arrive, de voix priant et psalmodiant ensemble, sur un rythme toujours égal avec un recueillement immense. En même temps, dans le dédale noir, apparaît une clarté blanche. Elle sort d'une grande porte ogivale, devant laquelle Idriss, notre guide, qui a beaucoup ralenti sa marche, se retourne pour nous regarder. Nous l'interrogeons d'un signe imperceptible. « C'est cela, n'est-ce pas ?» De la même manière, par un clignement d'yeux, il répond « Oui ». Et nous passons le plus lentement possible pour mieux voir. Cela, c'est Karouin, la mosquée sainte, la Mecque de tout le Maghreb, où, depuis une dizaine de siècles, se prêche la guerre aux infidèles, et d'où partent tous les ans ces docteurs farouches qui se répandent dans le Maroc, en Algérie, à Tunis, en Égypte, et jusqu'au fond du Sahara et du Noir Soudan. Ces voûtes retentissent nuit et jour, perpétuellement, de ce même bruit confus de chants et de prières. Elle peut contenir 20 000 personnes, elle est profonde comme une ville. Depuis des siècles, on y entasse des richesses de toutes sortes, et il s'y passe des choses absolument mystérieuses. Par la grande porte ogivale, nous apercevons des lointains indéfinis de colonnes et d'arcades, d'une forme exquise, fouillée, sculptée, festonnée avec l'art merveilleux des Arabes. Des milliers de lanternes, des girandoles, descendent des voûtes, et tout est d'une neigeuse blancheur qui répand un rayonnement jusque dans la pénombre des longs couloirs. Un peuple de fidèles en burnous est prosterné par terre, sur les pavés de mosaïques aux fraîches couleurs, et le murmure des chants religieux s'échappe de là, continu et monotone comme le bruit de la mer. Pour ne pas nous trahir, un jour de quarantaine obligatoire, nous n'osons pas nous parler, ni nous arrêter, ni même regarder trop longuement. Mais nous allons faire le tour de la très grande mosquée qui a bien 20 portes, et nous l'apercevrons encore sous d'autres aspects. On la contourne dans l'obscurité par une sorte d'étroit chemin de ronde, en enfonçant dans la boue les immondices, les pourritures. Extérieurement, on n'en voit rien que de hautes murailles noires, dégradées, croulantes, contre lesquelles s'appuient les maisons centenaires d'alentour. Avec un vague recueillement, nous ralentissons notre marche. Chaque fois que nous passons devant une de ces portes, alors le sanctuaire nous envoie un instant sa lueur blanche et son bruit de voix pieuse. Il est tellement grand que nous ne parvenons pas bien à en démêler le plan d'ensemble. Ses arcades sont variées à l'infini, les unes sveltes, élancées, découpées en festons inconnus, dentelées en grappes de stalactites, les autres ayant forme de trèfle à plusieurs feuilles, de cintres allongés, d'ogives. Et toujours par terre, sur les mosaïques, la foule des burnous prosternés, murmurant les éternelles prières. Sans doute nous reverrons souvent Karouin pendant notre séjour à Fès, mais je ne crois pas que nous en ayons jamais une impression plus profonde qu'après ce premier coup d'œil, jeté furtivement un jour où c'était défendu.